Quels instruments peuvent nous aider à percevoir des entités? Il existe plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour aider à percevoir des entités. Voici quelques exemples. Pendule divinatoire. C'est un outil qui consiste en un poids attaché à une chaîne ou un fil et qui est utilisé pour obtenir des réponses à des questions en se balançant de manière caractéristique. Il peut être utilisé pour aider à entrer en contact avec des entités. Baguette de sourcier. C'est une baguette en métal ou en bois qui est utilisée pour localiser l'emplacement de l'eau ou des métaux enterrés. Elle peut également être utilisée pour détecter des énergies ou des entités. Tarot. C'est un jeu de cartes divinatoires qui est utilisé pour obtenir des réponses à des questions ou pour fournir des conseils sur des situations spécifiques. Le tarot peut être utilisé pour aider à entrer en contact avec des entités ou pour recevoir des messages de l'au-delà. Cristaux. Les cristaux sont souvent utilisés en guérison spirituelle et peuvent également être utilisés pour aider à entrer en contact avec des entités. Les cristaux ont des propriétés énergétiques spécifiques qui peuvent aider à amplifier ou à canaliser des énergies. Il est important de noter que ces outils ne sont pas nécessaires pour percevoir des entités et que la clé de la perception réside en grande partie dans la pratique de la méditation et du développement de la sensibilité énergétique. Voici quelques informations sur l'utilisation d'un pendule divinatoire. Le pendule divinatoire est un outil de radiesthésie qui peut être utilisé pour répondre à des questions ou pour trouver des objets perdus. Voici les étapes pour utiliser un pendule divinatoire. Choisissez un pendule. Il existe de nombreux types de pendules divinatoires, chacun ayant sa propre énergie et sa propre signification. Choisissez un pendule qui vous attire et qui vous semble approprié pour votre pratique. Chargez votre pendule. Avant d'utiliser votre pendule, vous devez le charger avec votre énergie personnelle. Tenez le pendule dans votre main dominante et visualisez une lumière blanche et brillante qui remplit le pendule avec votre énergie. Posez des questions. Tenez le pendule par la chaîne ou le cordon et posez une question à laquelle vous souhaitez une réponse. Le pendule commencera à osciller dans une direction spécifique, ce qui indiquera la réponse. Interprétez les mouvements. Les mouvements du pendule peuvent être interprétés de différentes manières, selon la question posée. Par exemple, un mouvement circulaire peut indiquer une réponse positive, tandis qu'un mouvement de va-et-vient peut indiquer une réponse négative. Pratiquez régulièrement. Comme pour toute pratique, la pratique régulière est essentielle pour développer vos compétences en matière de pendule divinatoire. Pratiquez régulièrement en posant des questions simples et en interprétant les mouvements du pendule. Page 40, nous allons parler de la baguette de sourcier. Page 40.